Deauville et ses célébrités. Deauville a séduit beaucoup de personnalités, écrivains, musiciens, photographes, cinéastes, peintres et créateurs de mode. Petit tour d'horizon. Guillaume Apollinaire. Le poète réside à Deauville en 1914. Alors journaliste et critique d'art, il réalise des reportages sur la troisième grande saison culturelle de Deauville. Il va aussi au casino, se promène sur la plage et passe du temps à la terrasse de la Potinière, le café où tout le monde se montre et se retrouve. Gustave Flaubert. Le célèbre écrivain séjourne très souvent à Deauville dans la maison achetée par son père en 1837 et située à l'emplacement actuel de la Villa Strasburger. Il devra la vendre en 1874 pour payer les dettes de sa nièce. Françoise Sagan. La réalité dépasse parfois la fiction. Françoise Sagan a 23 ans quand elle arrive à Deauville, le 8 août 1958. Au casino, la romancière mise sur le 8 et gagne 8 millions de francs. Elle prend alors la direction du manoir de Breuil, près de Honfleur. Elle arrive à 8 heures du matin devant cette propriété qu'elle loue depuis le 8 juillet et décide de l'acheter. Coco Chanel. C'est grâce à son amoureux, Boy Capel, un joueur anglais de polo avec qui elle restera 9 ans, que Gabrielle Chanel découvre Deauville. La célèbre créatrice de mode y ouvre une boutique en 1913, inspirée par l'ambiance des champs de course, du tennis et du port.